شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله سبحانه وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، nous sommes donc toujours dans la série de cours de l'explication du livre de Cheikh Al-Albani رحمه الله تعالى صفاته Salat al-Nabi alayhi salatu wassalam, et c'est donc la description de la prière du prophète alayhi salatu wassalam. C'est un livre très très connu, on avait déjà parlé en long et en large des éditions, des différentes éditions que Cheikh Al-Albani, ou plus des différents types de livres qu'il a écrit. On a écrit un moulakhas, on avait dit ça, il avait écrit un kitab qu'on appelle Awsat, hein, et il avait écrit la version complète en 3 tomes. On avait dit combien de pages, hein, on ne va pas revenir là-dessus parce qu'on avait fait un cours entier sur le nombre de pages, les éditions, les particularités, les spécificités, etc. Donc on avait commencé directement dans le livre de Cheikh Bazmoul, parce que c'est ça en l'occurrence le sujet du livre, c'est l'explication de ce livre de Cheikh Al-Albani faite par Cheikh Bazmoul Hafidhahullah Ta'ala, Mohamed Ben Omar Bazmoul. On avait donné la définition du mot Salah, puisque c'est le sujet du cours, Salah, la prière. Et on en avait donné, si je me souviens bien, 7. Hein? C'est bien ça, hein? 7 sens dans le Coran pour le mot Salah. Je ne vais pas les répéter. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et on va rentrer directement dans le sujet. Et le shir, donc justement, en continuant par rapport au sens du mot Salah, il dit, hafidhahullahu ta'ala, wa al-maqsoudu huna, تعريف الصلاة شرعية فهي أقوال وأفعال مفتاحها الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. Donc vous vous souvenez, je vous avais déjà donné dans le cadre du cours de Sharh Shurut Salah, l'explication des conditions de la prière de Cheikh Mohamed Al-Wahhab, faite par Cheikh Abdul Muhsin Al-Abbad Hafidahullah, j'avais déjà donné une définition de la prière. Hein? Tu sais la répéter, Jumma? Je connais par cœur maintenant, Mouchallah. Si, mais de toute façon, pour les frères qui enregistrent en général, il faut savoir que le frère qui est dans le bureau, là, il enregistre. Donc, si vous voulez les prendre directement de chez lui, je ne sais pas, c'est comme vous voulez. Si vous voulez enregistrer de votre téléphone directement. Mais de toute façon, moi, j'ai aussi sur mon ordinateur tous les durous qu'on a fait depuis le début dans cette mosquée. Et j'en profite parce que le frère me pose la question. C'est qu'on a fait un site. Il n'est pas encore en ligne, hein, mais il est déjà fini. Inch'Allah, j'espère bientôt, Inch'Allah, tous les cours qu'on a fait depuis le début, il y en a plus d'une trentaine, on est presque à une quarantaine de cours maintenant. On a fini le livre de Rabi' sur les 21 hadiths dans la croyance et le suivi. On a presque fini le livre de Cheikh Obeid, l'explication de l'Usul al-Thalatha. On a fini complètement le livre de Cheikh al-Mahsin al-Abbad, Sharh Shurut Salah. Et, rahmukullah, et on a commencé maintenant le livre de Cheikh Bazmoul. Donc pour revenir au sujet du cours, je vous avais déjà donné une définition de la salah. Hein? On avait dit quoi c'était? En arabe s'il te plaît, barakallahu fik. Aqwalun wa af'alun, des paroles, af'alun, hein? Aqwalun wa af'alun, des paroles et des actions. Makhsousa, c'est-à-dire particulière, spécifique. Si tu comprends, tu peux retrouver les mots. Exactement, muftatihatun, alhamdulillah, qui commencent, qui sont ouvertes par le takbir, parce qu'on avait dit que le takbir l'ihram, c'est ce qui ouvre la salah, naam, wa muhtatimatun bi teslim, et qui se finissent par la salutation, le teslim, d'accord. Et regardez la définition que Cheikh Bazmoul ici, il dit, أقوال وأفعال. سونا جادية دون لوتر ديفينيسيون. مفتاحها الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. Et on va voir, Inch'Allah, qu'il va faire une explication très complète de ces définitions-là. Vous allez voir qu'en fait, qu'elle n'est pas vraiment très différente de l'autre. Il y a juste quelques notions en plus, d'accord ? Et il dit, حفظه الله, وهذا التعريف مأخوذ من الحديث الوارد عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. Hein? Et pour les frères qui n'ont peut-être pas l'habitude et les sœurs, notamment sur Internet, vous inquiétez pas, on va traduire à chaque fois chaque partie. Hein? Donc je vais d'abord lire en arabe et ensuite on traduit ensemble, Inch'Allah. Donc, Cheikh, qu'est-ce qu'il nous dit ici ? Il dit ce qui est voulu ici, il parle de quoi évidemment ? De la définition de la prière, parce qu'on parle toujours dans le cadre de la définition de la prière. Il dit c'est le sens, c'est la définition de la salah, la prière, dans la législation islamique. Hein? Et c'est des paroles et des actions, donc c'est ça la définition, des paroles et des actions, dont la clé, miftahuha at-tuhur, dont la clé est la purification, et son tahrim est le takbir. On avait déjà dit pourquoi on a appelé takbir al-ihram, et on va le revoir aujourd'hui dans l'explication, inshallah, de la définition de Cheikh Bezmoul. Hafidahullah. Donc il dit, et son tahrim, c'est le takbir, le fait de dire Allahu Akbar, et son tahlil, c'est quoi ? C'est At-Taslim, ce qu'on avait traduit par la salutation. Hein? Et on peut même dire, on avait dit la dernière fois, les deux salutations. Parce qu'on avait dit, Charles Abed, il dit que c'est quoi ? C'est mieux de faire les deux. D'accord ? Hein? Alors ici, il y a une note de bas de page qui est faite par le Cheikh. Et il dit... وقيل... وقد قيل في العلاقة بين المعنى اللغوي والشرعي إن الصلاة سميت صلاة لما فيها من الدعاء وقيل إن أصل اللفظة من الصلاة وهو وسط الظهر منا ومن كل ذي أربع. Ici on va rentrer un peu dans la linguistique, vous allez voir que c'est assez intéressant, inshallah. أو هو من حضر من الوريكين أو الفرجة بين الجاعرة والذنب أو ما عن يمين الذنب وشماله وهما صلوان جمعها صلوات و وأصل لا انظر القاموس المحيط وأكن الإنسان لما كان في صلاته المشروعة يحرك صلويه سمي فعله هذا صلاة وقيل إن الصلاة مأخوذة من الصليب النار تقول سليت العود بالنار إذا لينته سميت الصلاة لأن المصلي يلين أو يلين ويخشع أي في الصلاة. Donc ici, une note de bas de page que Cheikh Bezmoul fait au niveau du sens linguistique, il dit, il a été rapporté concernant le lien entre le sens linguistique de Salah et le sens de la législation. Donc il y a un lien entre les deux sens. Et il y a différents avis, différentes paroles qui ont été rapportées par rapport à ce lien. D'accord ? Que la Salah a été appelée Salah. Hein ? Parce que pour ce qu'elle contient comme invocation, comme doua, il a dit le Cheikh. Donc ça, c'est un des avis. Il a été également rapporté que le mot salah, eh bien c'est quoi ? C'est le milieu de notre dos. Hein ? Ou de toute bête à quatre pattes. D'accord ? Ou ce qui descend des hanches. Hein ? Ou la fente. Hein ? Et je traduis littéralement ce que dit le Cheikh ici. Hein ? Il n'y a pas de pudeur vis-à-vis de ça, ça fait partie de la religion. Il dit la fente entre l'anus et la queue. Il parle évidemment de la bête ou ce qui est à la droite et à la gauche de la queue. Donc, ici, dans le sens linguistique, et on va voir quelle est la corrélation entre ça et le sens quoi ? Légiférer, d'accord ? Il dit ce sont deux salawani. Hein ? C'est de quoi ce qu'on appelle en arabe ? Hein ? Muthanna, salawani. Hein ? Et le pluriel, salawat. D'accord ? Et il donne une référence, voir Al-Qamus al-Muhit, volume 1, page 355. Et c'est de Feruz al-Abadi, qui est un dictionnaire en arabe, c'est un dictionnaire arabe-arabe, où Feruz al-Abadi, rahimahullah, il vous donne un mot en arabe et sa définition en arabe. C'est un livre à avoir à la maison absolument, celui-là notamment, et d'autres comme par exemple Al-Qamus al-Mu'jam al-Wasit. Hein? C'est des bonnes références à avoir à la maison. Donc il dit quoi ? Il dit, et c'est comme l'individu lorsqu'il prie, vous allez voir maintenant la relation, hein? Sa prière légiférée, As-salam al-Mashru'a. Il bouge ces deux salawain, hein, C'est un peu plus difficile pour les gens sur Paltol parce qu'ils ne voient pas quand je fais les gestes et les mouvements, d'accord? Et c'est pour cela que son action a été appelée Salah. Donc vous voyez maintenant la corrélation entre le sens linguistique et le sens dans la sharia, ce qu'on appelle le sens al-ma'na shar'i, d'accord? Il a été rapporté également que le mot Salah est pris de as-salib an-nar. C'est quoi? C'est salib an-nar, c'est le fait de chauffer par le feu. C'est-à-dire quoi? Tu dis, j'ai salitu al-ouda, le bâton avec le feu. J'ai chauffé le bâton avec le feu, et ça se dit lorsque tu ramollis, tu assouplis, tu attendris un bâton, l'oud, d'accord? Ou bien le bois, d'accord? Donc l'oud, le bois, et il dit, la corrélation maintenant par rapport au sens légiféré, c'est quoi? Il dit, elle a été appelée Salah car celui qui est en état de prière, eh bien il s'attendrit. Et il s'humilie et il s'abaisse. Donc vous voyez la corrélation maintenant entre les deux, d'accord? C'est important d'un peu prendre ces genres de définitions-là. Et le shir continue, il dit, la définition qu'on a donnée maintenant, d'accord? Qui est quoi? Aqwalun af'alun, miftahuha at-tuhur, pour les frères qui viennent d'arriver, on a donné encore une autre définition de la Salah. Miftahuha at-tuhur, elle n'est pas très différente de l'autre, donc on peut la mémoriser rapidement. Aqwalun wa af'alun, miftahuha at-tuhur, d'accord? Il dit quoi? Eh bien, cette définition-là de la Salah, mais les ulémas, évidemment, ils ne l'ont pas ramené de leur tête, ils ont des dalils là-dessus. Il dit, la définition de la Salah dans la législation islamique a été prise du hadith rapporté par Ali, radiallahu anhu arda, du prophète, Ali sallallahu alayhi wa sallam, qui dit, la clé, la clé de la prière est la purification, at-tuhur. D'accord? Et son tahrim est le takbir, et son tahlil est le teslim. D'accord? On a dit déjà pour les frères qui viennent d'arriver, on a dit que Cheikh, Inch'Allah, après, il va expliquer en détail cette définition-là. Donc ne vous inquiétez pas, Inch'Allah, on va la revoir en détail. Pour ceux qui veulent la référence, je donne les références rapportées par At-Tirmidhi, hadith numéro 3, donc dans Sunan évidemment. Abu Daoud, quand on dit Abu Daoud, c'est Sunan numéro 61, Ibn Majah dans Sunan 375, et Ad-Darimi c'est dans Al-Musnad Darimi 687. Et pourtant, il aurait pu s'appeler Musnad Sunan, comme j'avais dit. Pourquoi? Parce qu'il est murattab 'ala al-abwab al-fiqhiyya. 'Ala kulli hal, At-Tirmidhi a dit au sujet de ce hadith, ce hadith est le plus authentique et le meilleur dans ce chapitre, dans ce sujet. Et Cheikh Al-Albani rahimahullah a jugé ce hadith hassan, et pour la référence, voir Héro Al-Ghalil, volume 2, page 8. Alors Cheikh, maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il fait quoi? Il fait l'explication de cette définition de la prière. Et pour replacer les choses dans le contexte, comme j'ai dit, c'est pourquoi? Parce qu'il part de Moudou Al-Kitab. Et vous voyez la méthodologie de Cheikh. Dès le début, il a fait quoi? Il a parlé de Mu'allif al-Kitab. On avait parlé de Cheikh Al-Albani, on avait fait sa biographie, on avait profité pour faire une corrélation avec la défense sur certaines choubouhades rapportées sur Cheikh Al-Albani, rahmatullah alayh, d'accord? Et maintenant, il fait quoi? Il s'attache à quoi? À l'ouvrage, au sujet de l'ouvrage, d'accord? Qui est la prière. Donc ça, il faut replacer toujours les choses dans le contexte. Il dit, « Wa sharhu hada al-ta'rif al-aqwal, yadkhulu fihi qira'at al-Qur'an, wa adhkaru al-istiftah, wa al-takbir » وأذكار الركوع والرفع منها والسجود وأذكار ما بين السجدتين والجلوس للتشهد d'accord والأفعال يدخل فيها القيام والركوع والرفع منه والسجود والجلوس بين السجدتين ورفع اليدين في تكبير الإحرام وفي تكبيرات الانتقال أو عند التسميع والإشارة بالأصبع في التشهد وهيئة القدمين في الصف وفي السجود وبين السجدتين وفي التشهد. Qu'est-ce que Cheikh Bazmoun nous dit ici? Il dit, حفظه الله تعالى, dans l'explication de cette définition, il dit, les paroles. Pourquoi? Parce qu'on a dit aqwalun. On a commencé, on dit que c'est des paroles et des actions. Aqwalun. Les paroles. Et qu'est-ce qui est compris dans les paroles? Ils sont compris la lecture du Coran. Les invocations d'ouverture, ce qu'on appelle, Naam, d'accord? Le takbir, c'est quoi le takbir? On avait dit plusieurs fois, c'est le fait simplement de dire Allahu Akbar. Les invocations d'inclinaison, C'est pour ça qu'on dit dans le ruku'. Et lorsqu'on se relève de cette inclinaison, d'accord, la prosternation, il y a aussi des invocations, il y a aussi des paroles, d'accord. Les invocations entre les deux prosternations et de l'assise pour le teshahoud, tout ça, ce sont des paroles, d'accord. Je voudrais vous poser une question. Quand on avait dit, quand on lève de ruku', comment on appelle cette parole qu'on dit? Elle a un mot spécial chez les ulama. Quand on dit Sami Allahu liman hamida, déjà tu nous aides, c'est déjà bien. Mais comment on appelle ça? Il y a un, on peut dire Sami Allahu liman hamida, on peut le résumer en un mot. Évidemment, il ne faut pas le dire dans la prière, hein, mais c'est une manière d'appeler en fait cette parole-là. C'est le nom de cette parole-là. Comme par exemple, on avait. Hein? Vas-y, t'es pas loin. At-tasmi', tout simplement. At-tasmi'. Donc, quand vous voyez dans ce livre, At-tasmi', ça veut dire tout simplement le fait de dire Sami' Allahu liman hamida. At-takbir, le fait de dire Allahu akbar. Al-hawqalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Al-istirja', inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Hein? D'accord? Tout ça, c'est des alpha, des formulations à connaître que le mashaykh utilise beaucoup. D'accord? Et il continue et il dit Hafdallah, il parle maintenant des actions. Ce qu'on a dit, ce sont des paroles et des actions. Les actions, ils sont compris. La position debout, c'est une action. Le qiyam. L'inclinaison, ruku'. Se relever de l'inclinaison, on appelle ça raf'a min ar-ruku'. La prosternation, as-sujud. Hein? L'assise entre les deux prosternations, al-jalsatu bayna as-sajdatayn. Hein? C'est aussi une action. Lever les mains pour takbir al-ihram. C'est aussi une action. Hein? Et les takbirat pour changer de position, ce qu'on appelle takbiratu, le pluriel, takbiratu l'intiqal. Hein? L'intiqal. D'accord? Ou après avoir dit sami' Allahu liman hamida, c'est-à-dire après le tasmi', comme il a dit. Hein? Ou inda tasmi'. D'accord? Pointer du doigt lors du tashahhud. Hein, j'ai bien dit lors du tashahhud. Hein? La position des pieds dans le rang et dans la prosternation. Hein? La position des pieds, c'est une action aussi. Et là, aujourd'hui, Inch'Allah, je vous ai préparé, on va sortir du livre, Inch'Allah, et on va rentrer dans le silsilat hadith sahiha. Parce qu'il y a une nasiha que j'ai toujours voulu, je pense que je l'avais déjà traduite à l'époque sur des sites en français, que j'ai toujours voulu traduire de Cheikh l'Albani sur l'importance d'aligner les rangs comme il faut. Et par rapport aux pieds, justement, dans les rangs. Donc je profite pour rebondir sur ce que dit Cheikh Bazmoul ici, et on va quitter le livre pendant un instant, Inch'Allah, et on va lire ce que nous dit Cheikh l'Albani, on va traduire ça ensemble, et vous allez voir qu'il y a vraiment beaucoup de fawa'id. Donc des fois, parce qu'on fait les choses par habitude, de temps en temps on met les chevilles contre les chevilles, de temps en temps on le fait pas, et de temps en temps on le fait mais on sait pas pourquoi, hein? Et c'est important de revoir ça. Il faut pas être négligent vis-à-vis de ça, d'accord? Donc on a dit quoi? Que la position des pieds dans le rang, c'est une action aussi, hein? Et dans la prosternation, hein? Le fait de poser les pieds d'une certaine manière, c'est aussi une action. Et entre les deux prosternations et dans le tashahhud, tout ça, ce sont des af'al, des actions, na'am, d'accord? Alors maintenant, comme j'ai dit, je profite du fait que Cheikh Bazmoul, hafidhullah, qu'Allah le préserve, ait cité la position des pieds dans le rang parmi les actions dans la prière pour rapporter une nasiha de Cheikh Al-Albani, rahimahullah, barakallahu fik. Hein? Tiré de silsilat al-hadith sahiha, volume 1, page 70-71, donc 70-71 pour les Français, édition Al-Ma'arif. Donc je l'ai ici, le livre devant moi pour les frères qui le voient, hein, d'accord? Et cette nasiha, elle a pour titre une sunnah délaissé qu'il est obligatoire de faire revivre. Sunnah matruka yajibu ihya'uha. Et là, on va goûter un peu la science de Cheikh Al-Albani rahimahullah et sa ravification de la sunnah. Parce que son travail, comme j'ai dit, pour les frères qui connaissent bien Cheikh Al-Albani rahimahullah, hein, et qui ont été influencés par son travail et qui ont goûté son travail, rahmatullah alayh, on peut le résumer à une phrase. Il l'appelait lui-même, toujours dans ses livres, il dit taqribu sunnati bayna yaday al-umma. Son travail de toute sa vie, c'était de vulgariser la sunna, c'est-à-dire quoi? De la rendre accessible à tout le monde, au commun des musulmans. Hein? Rahmatullah alayhi, il a consacré toute sa vie à ça. D'accord? Sunna matruka yajibu ihya'uha. Je lis une partie en arabe et on traduit ensuite comme on fait d'habitude. Istafadat al-ahadith as-sahihah 'an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fi al-amr bi iqamati as-sufuf wa taswiyatiha. بحيث يندر أن تخفى على أحد من طلاب العلم فضلا عن شيوخه ولكن ربما يخفى على الكثيرين منهم أن من إقامة الصف تصويته بالأقدام وليس فقط بالمناكب بل لقد سمعنا مرارا من بعض أئمة المساجد حين يأمرون بالتسوية التنبيه على أن السنة فيها إنما هي بالمناكب فقط دون الأقدام ولما كان ذلك خلاف الثابت في السنة الصحيحة رأيت أنه لا بد من ذكر ما ورد فيه من الحديث تذكيرا، قيد أبوختون كيدي، تذكيرا لمن أراد أن يعمل بما صح من السنة. Il dit pourquoi, on va traduire après, pour celui qui, en rappel pour celui qui veut pratiquer ce qui est authentique de la sunna. Celui qui ne veut pas pratiquer, on ne sait rien faire. Hein? Et c'est un verset que je rapporte souvent dans ce genre de point-là. C'est le verset de Surat Qaf. Inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa shahid. Pas pour n'importe qui. Liman kana lahu qalbun. Et revenez à la magnifique explication d'Ibn Qayyim rahimahullah dans le Fawaid de Surat Qaf. Et par rapport à ce verset-là. Hein? D'accord? Je continue avec ce que Cheikh dit. Il dit غير معترين بالعادات والتقاليد الفاشية في الأمة. Donc qu'est-ce que nous dit Cheikh l'Albani rahimahullah ici? Et je vous assure, prêtez attention. D'accord, hein? Et parce que c'est vraiment très important, c'est une sunna. Nous, en tant que salafis, on devrait être les premiers à être attachés à la sunna. Hein? Et je parlais avec des frères ce matin quand j'ai déjeuné avec eux après Salat al-Fajr. On parlait de ça, on parlait du fait de quoi? De ce que Cheikh Zayd avait dit. Zayd ibn Hadi al-Madkhali, hafidhahullah, qu'il a dit, hein? Min khasa'is al-firqa al-najiya, parmi les spécificités du groupe sauvé, c'est leur attachement, hirsuhum. Au fait de regrouper, de ramasser, de chercher la science islamique. Pourquoi après, évidemment? Déjà, c'est une première chose, mais pourquoi après? Pour la pratiquer et pour la y appeler. Al-ilmu. Hein? Comme on avait dit quoi? Wal-amalu bih. Wad-da'watu ilayh. Vous vous souvenez dans Usul Talata? Tout ça, il faut mettre, vous vous souvenez? Vous avez dit que les livres qu'on fait souvent, il y a des corrélations entre eux. Parce que c'est la même religion. Hein? D'accord? Vous voyez qu'on revient maintenant au Usul Talata. Hein? Il faut appliquer, ya ikhwa. Il faut appliquer et il faut faire da'wah. C'est alhamdulillah dans ce masjid. Walillahi alhamd. Hein? Tout le fois, il revient Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, les frères, ils pratiquent cette sunna. Et tant qu'ils peuvent, ils passent entre les rangs. Et ils essayent de faire les rangs comme il faut. Mais ça, c'est une chose qu'il faut savoir avec dalil pour faire expliquer aux gens et faire revivre cette sunna. C'est très important. Donc le cheikh, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Il dit... Les hadiths authentiques sont nombreux sur l'ordre du prophète alayhi salatu wasalam. Donc attention, on a dit quoi? Sur l'ordre du prophète alayhi salatu wasalam, hein? De faire les rangs, iqamatu saf, dresser les rangs, faire les rangs, hein? Et d'ajuster les rangs, taswiyatuha, et de les aligner. À tel point qu'il est rare qu'un talib al-ilm, hein, un étudiant en sciences islamiques, ne les connaisse pas. Encore plus rare, c'est chouyour. Mais peut-être que beaucoup d'entre eux ne savent pas que le fait d'aligner les pieds fait partie de faire les rangs correctement. D'accord? Et pas seulement avec les épaules. Mais de plus, nous avons entendu de nombreuses fois certains imams de mosquées, lorsqu'ils ordonnent d'aligner les rangs, dire, faire remarquer que la sunna, c'est de s'aligner par les épaules uniquement. Et pas les pieds. Vous trouvez souvent dans les masjids qui ne sont pas des masjids salafis, vous trouvez souvent ce genre de problème-là. Hein? D'accord? Comme c'est contraire à ce qui a été rapporté de manière authentique dans la sunna, j'ai vu qu'il était obligatoire. Rahmatullah, regardez la défense de la sunna, la réification de la sunna de ces grands imams-là. J'ai vu qu'il était obligatoire de citer ce qui a été rapporté comme hadith à ce sujet. En guise de rappel à celui qui veut pratiquer. Regardez ce qu'il dit le cheikh ici. En guise de rappel à qui? À celui qui veut pratiquer ce qui a été rapporté de manière authentique de la sunna, et qu'il ne soit pas leurré par les coutumes et les traditions répandues dans la communauté. Et ça, c'est un tenbih, ya ikhwa. Même des fois, certains frères salafis, nous, des fois, peut-être, on peut faire des choses par simple habitude. Hein? Ou parce qu'on a vu faire. Hein? Il faut faire les choses avec dalil, ya ikhwa. Hein? Avec la compréhension des savants. D'accord? Et il dit, je dis, c'est-à-dire Cheikh l'Albani, c'est pas moi évidemment qui parle ici, qu'à ce sujet, deux hadiths authentiques ont été rapportés. Il va rentrer dans le hadith ici, et après on va voir l'explication des hadiths, c'est très intéressant. فَأَقُولُ لَقَدْ صَحَّ فِي ذَلِكَ حَدِيثَانَ الْأَوَّلُ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ وَالْآخَرُ مِنْ حَدِيثِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. أما حديث أنس فهو أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري. رواه البخاري وأحمد والمخلص في الفوائد من طرق عن حميد الطويل ثنى أو حدثنا أنس بن مالك قال أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال فذكره. زاد البخاري في رواية قبل أن يكبر، وزاد أيضا في آخره وأكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. ها خذوا ديجا سي بتيت بارتي لا ان شاء الله. دونك ici le premier hadith cité par Cheikh Al-Albani c'est un hadith d'après Anas et le deuxième c'est un hadith d'après An-Nu'man ibn Bashir. Le premier, celui d'Anas radiallahu anhu arda, c'est « Faites les rangs », c'est une traduction approximative du sens du hadith, « Faites les rangs et serrez les rangs, car je vous vois de derrière mon dos. » Rapporté par Al-Bukhari et Ahmed et Al-Mukhallis dans Al-Fawaid. Anas ibn Malik dit « Al-Iqam a été faite pour la prière, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous fit face et dit » Il rapporte le hadith. Ce hadith-là qu'on a dit. « Aqimu sufufakum wa tarassu fa inni arakum min wara'i dhahri. » Ici, un point important, Al-Bukhari, l'imam Al-Bukhari, a rajouté dans une des versions avant qu'il ne fasse le takbir. C'est-à-dire que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ça avant qu'il ne fasse le takbir. Ça, c'est important. Il a rajouté également à sa fin « Et chacun d'entre nous collait son épaule à l'épaule de son voisin, son compagnon et son pied à son pied. » Donc les deux. Et on va voir après que c'est même le genou. D'accord ? Cette version est chez Al-Mukhallis et Ibn Abi Shaybah avec les mots, avec la formulation. Anas dit « وهي عند المخلص وكذا ابن أبي شيبة بلفظ قال أنس فلقد رأيت أحدنا يلصق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه فلو ذهبت تفعل هذا اليوم لنفر أحدكم كأنه بغل شموس. الله أكبر. وسند صحيح وسنده صحيح أيضا على شرط الشيخين، وعزاها الحافظ لسعد بن منصور والإسماعيلي، وترجم البخاري لهذا الحديث بقوله باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف. Ici c'est aussi un point important. Il dit que cette version est chez Al-Mukhallis ibn Abi Shaybah avec les mots. Anas dit je voyais chacun d'entre nous coller son épaule à l'épaule de son compagnon et son pied à son pied. Et si tu faisais cela aujourd'hui, l'un d'entre vous fuirait comme s'il était un mulet indocile. Subhanallah, vous voyez, quand on prie dans des mosquées qui ne pratiquent pas cette sunna, la réaction des gens quand vous essayez de le faire. C'est Anas qui dit ça. Qu'est-ce qu'on va dire nous à notre époque maintenant? D'accord? Et ce qui est important ici, si quelqu'un commence à discuter avec vous, vous lui dites simplement que la chaîne de transmission, elle est authentique selon les conditions des deux chers. C'est qui, évidemment? Al-Bukhari wa Muslim. Ala charti shaykhin. C'est des mustalahs qu'il faut connaître dans le hadith. Quand on dit ala charti shaykhin, ça veut dire selon les conditions d'Al-Bukhari wa Muslim. Al-Bukhari a donné comme titre, et on avait dit une fois dans un autre cours, que fiqhu al-Bukhari fi tarajumihi. Cheikh al-Bukhari, rahmallah, il a compilé des hadiths. Il y a des gens qui disent, oh, c'est juste qu'un muhadith. Non, c'est un faqih aussi. Pourquoi? Parce que le fiqh, il est dans le titre du chapitre. Regardez le titre du chapitre. Chapitre, donc il a donné comme titre au chapitre concernant ce hadith, chapitre sur le fait de coller l'épaule à l'épaule et le pied au pied dans le rang. D'accord? Le deuxième hadith maintenant. Et c'est le hadith de, qu'on a dit de An-Nu'man ibn Bashir. D'accord? An-Nu'man ibn Bashir. Qu'est-ce qu'on a dit ici? Le hadith, il dit « Aqimu sufufakum thalathan » trois fois. « Wallahi, la tuqimunna sufufakum ou la yukhalifanallahu bayna quloubikum » Il y a une autre riwaya qui est connue. « Alakulli hal » ici, si on va rapporter cela, c'est « bayna quloubikum » « Akhrajou Abu Dawoud, Ibn Hibban, Ahmed, Dulabi, Filkuna » عن أبي القاسم الجدلي حسين بن الحارث قال سمعت النعمان بن بشير يقول أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس بوجهه فقال فذكره. D'accord, je lis, après on traduit ensemble inshallah. قال فرأيت الرجل يلصق منكبه بمنكبه بمنكب صاحبه وركبته بركبة صاحبه وكعبه بكعبه. Ça c'est un lafz qui est واضح. On va le traduire après ensemble inshallah. قلت وسنده صحيح. C'est qui qui parle? C'est pas moi évidemment, c'est Cheikh Al-Albani rahimahullah. وعلقه البخاري عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مجزوما به ووصله ابن خزيمة. On va pas rentrer dans la chaîne de transmission, on va rapporter le hadith et après on va prendre le fiqh le hadith, c'est ce qui nous intéresse ici. Donc la deuxième version, deuxième hadith, c'est le hadith plutôt de An'am ibn Bashir. Faites les rangs, trois fois, il a dit trois fois. Par Allah, et c'est qui évidemment qui dit ça? C'est le prophète alayhi salatu wassalam. Par Allah, vous ferez certes les rangs ou Allah fera certes diverger vos cœurs. On appelle ça tawqid en arabe. La tuqimunna sufufakum ou la yukhalifanna Allah bayna qulubikum. Hein? D'accord? Et ce hadith l'a rapporté par Abu Daoud wa Ibn Hibban et Ahmed et Ad-Dulabi dans Al-Kuna. Que Abu al-Qasim al-Jadali Hussein ibn al-Harith a dit, j'ai entendu An-Nu'man ibn Bashir dire, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fit face aux gens et dit, et il cita ensuite ce hadith. Donc c'est quoi? C'est la parole de qui? Du prophète alayhi wa sallam. C'est important de garder ça en tête. Il dit, hein, ça c'est le rapporteur, je voyais, je vis l'homme coller son épaule à l'épaule de son voisin, son genou à son genou et sa cheville à sa cheville. Là, c'est clair ou pas? L'épaule contre l'épaule, le genou contre le genou et la cheville contre la cheville. Hein? Et c'est ça la sunna. Cheikh Al-Albani dit, rahimahullah, je dis, et sa chaîne de transmission est authentique. D'accord? Maintenant, on va rentrer dans le fiqh al-hadith. Et vous voyez bien que certains frères, des fois, quand ils veulent, par exemple, acheter ces hadiths sahiha, ils ne voient pas trop l'utilité. Hein? Ils disent, je vais acheter 11 volumes, il n'y a que du hadith. Déjà, c'est grave de dire ça, parce que le hadith, c'est les paroles, les actions. Hein? Et la définition qu'on a connue du hadith chez les mashayikh, hein, du prophète, alayhi salatu wassalam. Hein? Et en plus, ils ne savent pas que Cheikh Al-Albani, il parle en long, en large, dans quoi? Dans le mustalah, le hadith, dans les chaînes de transmission, etc. Et surtout, il donne beaucoup de fiqh. Hein? D'ailleurs, il y a un cheikh, un docteur, qui a fait quoi? Qui a fait un travail en deux volumes de compiler toutes les fawa'id al-fiqhiyya dans les deux silsilas de Cheikh Al-Albani, et il l'a appelé « Nazmul Fara'idi ». Hein? Et ça a été publié, je le vendais quand j'avais ma mektaba. Hein? C'est en deux volumes, et c'est une compilation de tout ce qu'il y a dans le fiqh, dans le silsila hadith sahiha en 11 volumes, et dans le silsila hadith da'ifa en 20 volumes. On avait parlé de ça là dans un des cours qu'on avait fait, d'accord? C'est deux compilations vraiment qu'on devrait avoir à la maison. Alhamdulillah, elles sont très accessibles. Elles ne sont pas chères, elles se vendent ici, pas très loin d'ici, à un assez bon prix, et elles sont complètes maintenant. Mais on se rappelle à l'époque, hein, peut-être rappelle, quand on l'avait vendu 17 volumes, on cherchait partout les 3 autres volumes, hein, à tel point que certains frères, après, ils l'avaient revendu, puis ils avaient dû racheter les 20 volumes complètement, etc. À la coulée hal, hein, maintenant il est complet, vous pouvez l'acheter en 20 volumes. Et c'est le hadith sahiha, il est complet en 11 volumes. D'accord, hein. Et ça fait plus de 11 000 hadiths, hein, pour les deux celles-ci-là. D'accord. Et, cher, qu'est-ce qu'il dit? Donc fiqh al-hadith, hein, et vous voyez qu'il y a du fiqh al-hadith. Fi hadain al-hadithain fawa'id hamma. Dans ces deux hadiths, il y a beaucoup de bénéfices, de bienfaits importants. Al-oula, ils vont voir, ils vont rapporter 5. Al-oula, wujub iqamati as-sufuf wa taswiyatuha wa tarassi fiha lil-amr bidhalika wal-aslu fihi al-wujub illa liqarinatin. كما هو مقرر في الأصول والقرينة هنا تؤكد الوجوب وهو قوله عليه الصلاة والسلام أو لا يخلفن الله بين قلوبكم فإن مثل هذا التهديد لا يقال فيما ليس بواجب كما لا يخفى. Donc Cheikh nous dit fiqh al-hadith, la compréhension et l'explication du hadith, ou des deux hadiths, pardon. Il dit, on tire de ces deux hadiths de nombreux bénéfices importants. Des bénéfices importants. Et il dit quoi? Il dit, le premier, c'est l'obligation. Il a dit wujub, Cheikh, de dresser les rangs, de faire les rangs et de les aligner et de serrer les rangs, ce qu'on appelle la tarassi, hein? Car c'est un ordre. C'est important de comprendre ça. Où est-ce qu'on voit l'ordre? Qui peut me dire où est-ce qu'on voit l'ordre dans les deux hadiths? Hein? C'est quoi le verbe impératif qui est ici? Tarasso, ça c'est un verbe impératif. Il y en a d'autres. Sawu sufufakum. Hein? Tarasso. Hein? Et le premier, en fait, c'était Aqimu Sufufakum. Et Tarassu dans la suite. Et ensuite, dans le deuxième hadith, c'était Aqimu Sufufakum. D'accord? Donc, ça, c'est bien un verbe impératif. Et comme le Cheikh va l'expliquer ici, il dit quoi? Il dit, la base en cet ordre, c'est l'obligation, sauf s'il y a une preuve. Ce qu'il faut comprendre ici, on avait déjà expliqué ici une fois qu'on avait parlé un peu de l'usul, c'est que la base dans les ordres, c'est l'obligation. L'asl fil amr, ou fil awamir, il wujub, illa li qarinatin, ou li sarifin, comme disent les ulama. Yasrifu illa l'istihbab. D'accord ? Comme on avait dit, l'asl fil manahi, tahrim, illa li sarifin, yasrifuha illa al-karaha. D'accord ? On avait dit quoi ? C'est quoi ? C'est que quand il y a un ordre, sa valeur d'obligation, sauf s'il y a quelque chose qui le fait basculer de cette obligation-là. Or ici, regardez, il dit comme cela a été établi dans la science des fondements, ilm al-usul. Or ici, la qarina renforce l'obligation. Et c'est la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Aw la yukhalifanna Allah bayna qulubikum. Regardez, cette qarina, elle renforce où Allah fera certes diverger vos cœurs. Regardez, on a quoi ? On a un ordre, et puis on a quoi ? Hein ? Une menace. Hein ? Et la menace renforce l'ordre. Hein ? Et regardez qu'est-ce qu'il dit ici. Car ce genre de menace ne se fait pas pour ce qui n'est pas une obligation. Comme cela est très clair. Comme à la yakhfa, il a dit le shir. Vous voyez, shir, comment on prend beaucoup de fawaïd dans très peu de lignes. Deuxième faïda, tirée de ces deux hadiths. الثانية أن التسوية المذكورة إنما تكون بلصق المنكب بالمنكب وحافة القدم بالقدم لأن هذا هو الذي فعله الصحابة رضي الله عنهم حين أمروا بإقامة الصفوف والتراص فيها ولهذا قال الحافظ سكي الحافظ في الفاتح جوزاد ابن حجر العسقلاني رحمه الله بعد أن ساق الزيادة التي أوردتها في الحديث الأول من قول أنس وأفاد هذا التصريح أن الفعل المذكور كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وبهذا يتم الاحتجاج به على بيان المراد بإقامة الصف وتسويته ومن المؤسف أن هذه السنة من التسوية قد تهاون بها المسلمون بل أضاعوها إلا القليل منهم فإني لم أرها عند طائفة منهم إلا أهل الحديث فإني رأيتهم في مكة سنة 1368 حريصين على تمسك بها كغيرها من سنن المصطفى عليه الصلاة والسلام بخلاف غيره من أتباع المذاهب الأربعة لا أستثني منهم حتى الحنابلة فقد صارت هذه السنة عندهم نسيا منسيا بل إنهم تتابعوا على هجرها والإعراض عنها وذلك لأن أكثر مذاهبهم نصت على أن السنة في القيام التفريج بين القدمين بقدر أربع أصابع فإن زاد كره كما جاء مفصلا في الفقه على المذاهب الأربعة والتقدير المذكور لا أصل له في السنة وإنما هو مجرد رأي ولو صح لوجب تقييده بالإمام المنفرد حتى لا يعارض بهذه السنة الصحيحة كما تقتضيه القواعد الأصولية وخلاصة القول إنني أهيب بالمسلمين وبخاصة أئمة المساجد الحريصين على اتباعه عليه الصلاة والسلام واكتساب فضيلة إحياء سنته عليه الصلاة والسلام أن يعملوا بهذه السنة ويحرصوا عليها ويدعو الناس إليها حتى يجتمعوا عليها جميعا وبذلك ينجون من تهديد أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. Regardez la très belle nasiha du cheikh ici, nasiha qui vient du cœur, wala nuzaki ala Allah ahada. Que cet alignement cité ne se fait que par le fait de coller l'épaule à l'épaule. Donc c'est le deuxième bénéfice. Et le côté du pied au pied. Car c'est cela que les compagnons ont fait lorsqu'ils ont été ordonnés de faire les rangs et de les serrer. C'est pour cela qu'Al-Hafid ibn Hazar al-Asqalani, rahimahullah, dans le Fath, lorsqu'il a rapporté ce rajout que j'ai rapporté dans le premier hadith parmi la parole de Anas, il dit, ibn Hazar, c'est ibn Hazar qui parle ici, cette déclaration nous indique que l'action citée était au temps du prophète alayhi salatu wassalam. Et pour cela, on peut l'utiliser comme preuve quant à la mise en évidence, l'explication de la manière de faire les rangs et de les aligner. Cheikh l'Albani dit, ce qui est triste, c'est que cette sunna de l'alignement est négligée par les musulmans. Et c'est une réalité. Et vous avez tous vécu ça dans certains masajid. D'accord ? Même des fois, ça arrive à des bagarres dans certaines masajid. Tu veux simplement mettre, tu approches juste ton pied, et la réaction de la personne, subhanallah. Et et en général, c'est souvent des awam, donc tu ne sais même pas lui expliquer, tu ne laisses même pas le temps ou l'opportunité d'expliquer comme il faut, etc. D'accord ? Et il dit, le cheikh, il dit que ce qui est triste, c'est que cette sunna de l'alignement est négligée par les musulmans. Mais de plus, ils l'ont perdu. Ada'ouha. sauf un petit nombre parmi eux, il dit, je ne l'ai vu que chez Ahl al-Hadith, les gens du Hadith. Je les ai vus à Mecca en l'an 1368 de l'Hégire, attachés à cette sunna comme les autres sunnas du Mustafa, alayhi salatu wasalam. Hein? Il a vu chez les gens du Hadith, encore une fois, hein? Ahl al-Hadith, dont Cheikh al-Albani, rahimallah, hein, faisait partie. Contrairement aux suiveurs des quatre madhahib. Hein? Je ne fais pas d'exception, dit le Cheikh. Même en ce qui concerne Al-Hanabila, c'est-à-dire quoi? Ceux qui se revendiquent de l'école de l'imam Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah. Hein? C'est le pluriel de Hanbali, Al-Hanabila. Cette sunna est chez eux oubliée. Mais de plus, ils se sont suivis les uns les autres dans son délaissement. Car la plupart de leurs madhahib, écoles de jurisprudence, ont décrété que la sunna en position debout était de laisser un écart de quatre doigts entre les pieds. Hein? Et vous voyez, souvent, ça, l'awam, ils font ça souvent. D'accord? Hein? Vous voyez, ils mettent les pieds comme ça, hein, et ils laissent un pied entre la taille de quatre doigts entre les pieds. Hein, et ils disent, il faut laisser quatre doigts, tu ne peux pas venir te coller à mon pied. Hein. Quand il dit le pied, on va dire après, tu vas voir que c'est la cheville, en fait, la cheville que ça se fait. Hein. Et comme Cheikh Al-Uthaymeen dit, les pieds sont de taille différente. Hein. La sunna, c'est la cheville, ce n'est pas avec l'extrémité du pied. Hein. Sinon, l'alignement ne sera pas possible. Hein. Donc ici, il dit... car la plupart des madhahib qu'on a dit donnent quoi cette distance d'un écart de 4 doigts entre les pieds et que c'est makruh de rajouter à cette distance comme cela a été rapporté en détail dans Al-Fiqh selon les 4 écoles volume 1 page 207. Cette distance n'a aucun, c'est Cheikh Al-Albani qui parle, dit cette distance de 4 doigts elle n'a aucun fondement dans la sunna, ce n'est que ce qu'on appelle mujarrad ra'i, ce n'est qu'une pure opinion rationnelle, ça vient que de la raison, il n'y a aucun dalil là-dessus de ces quatre doigts. Or, on a un dalil, on va le voir hein, dans la suite, sur le fait de coller, on l'a déjà vu, de coller la cheville à la cheville, le genou au genou et l'épaule contre l'épaule. Hein? Donc, qu'est-ce qu'on va suivre maintenant? La sunna sahiha? Hein? Ou un ra'i, une opinion d'un madhab? Qu'est-ce que vous dites? On suit la sunna. Ça paraît évident, mais pourtant, il y a des gens qui n'arrivent pas à comprendre ça. D'accord? Sallallahu alayhi wa sallam, sallallahu alayhi wa sallam, sallallahu alayhi wa Cheikh il dit, en conclusion, j'incite les musulmans, ça c'est le nasiha du Cheikh. Et en particulier, un Cheikh qui est décédé, rahmatullah alayh, et c'est important de rapporter ça. Et en particulier, les imams de mosquées attachés, pas n'importe lesquels, ceux qui sont attachés au suivi des messagers d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et à l'obtention, hein, iktisab, fadila, à l'obtention de la préséance et du bien de la revivification de la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Évidemment, il y a un fad là-dedans, bila shak. Hein? Peut-être que certains d'entre vous connaissent certains riwayat du hadith sur le ghuraba. Hein? Touba lil ghuraba. Hein? Alladhina yuslihuna ma afsada an-nas min sunnati min ba'di. Hein? Faut faire vivre la sunna, ikhwa. Surtout nous en tant que gens qui nous revendiquons entre les gens parmi les gens de la sunna, cette revendication là, hein? Elle se fait pas qu'avec la langue. Hein? Les actions, les a'mal, ikhwa. Al-a'mal, ikhwa. Hein? On a dit quoi ici? On a dit, et regardez, subhanallah, regardez, je reviens à ce qu'il dit le Cheikh, et ça va dans le sens que j'ai dit. Il a dit quoi? Et à l'obtention de la préscience du bien, la réification de la sunna, du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, de pratiquer cette sunna et d'y être attaché. Et d'y appeler les gens, jusqu'à ce qu'ils soient tous regroupés sur cette sunna. Hein? Vous allez voir qu'il y a des fawa'id. Hein? Le fait de pratiquer ce genre de sunna, ça regroupe les cœurs. Et le fait de ne pas pratiquer cette sunna, comme dans le hadith. Et on va le voir après quand il va rapporter dans Ta'thir al-Zahir al-Batin. Hein? Et le contraire de cela, si on ne le fait pas, c'est quoi? Le wa'id, comme on a dit, la menace, c'est que le cœur soit divisé, qu'il diverge. Et il dit, chez, regardez, hein? Jusqu'à ce qu'ils soient tous regroupés sur cette sunna et qu'ils puissent être sauvés de la menace. Quelle menace? Où Allah fera certes diverger vos cœurs, ou la yukhallifan Allah bayna qulubikum. C'est pas, je crois c'est une mis'al importante, il y a une menace là. Hein? D'accord? Cheikh Al-Albani rahimahullah, il continue et il dit, il rajoute dans cette nouvelle édition ici, wa azidu fi hadhihi at-tab'a fa aqul laqad balaghani an ahad ad-du'at annahu yuhawwinu min sha'ni hadhihi as-sunnah al-'amaliyah allati jara 'alayha as-sahaba wa aqarrahum an-nabiy 'alayhi salatu wasalam 'alayha. ويلمح إلى أنه لم يكن من تعليمه عليه الصلاة والسلام إياهم ولم ينتبه والله أعلم إلا أن ذلك فهم منهم أولا وأنه صلى الله عليه وسلم قد أقرهم عليه ثانيا، وذلك كاف عند أهل السنة في إثبات شرعية ذلك، لأن الشاهد يرى ما لا يرى الغائب أساساً غقل، وهم القوم لا يشقى متبع سبيلهم. D'accord. Il dit quoi donc, il continue, il dit sur, il dit je rajoute dans cette nouvelle édition et je dis j'ai été informé qu'un prêcheur dédaignait cette sunna pratiquée par les compagnons, hein, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a approuvé. Donc c'est important de comprendre ça, que ça a été appliqué par les compagnons et le prophète, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a approuvé. Donc c'est quoi, c'est une sunna. Et ce prêcheur insinue qu'elle ne fait pas partie de l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam aux compagnons. Et il ne s'est pas rendu compte, wallahu alam. Regardez, cher, qu'est-ce qu'il dit. Il ne s'est pas rendu compte, wallahu alam. Hein? Peut-être qu'il s'est rendu compte, wallahu alam. C'est ça que ça veut dire. Hein? Que ce qui est, que ceci est, un, leur compréhension personnelle. Quelqu'un a un stylo. Hein? Leur compréhension personnelle, et deux, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a approuvé. Donc, un, fahmun minhum. D'accord ? Et que quoi que, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a approuvé. Et ceci est suffisant chez les gens de la sunna pour affirmer la légitimité de religieuse de cela. C'est que les sahaba l'ont compris, et nous qui on suit ? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec la compréhension des sahaba. Hein ? D'accord ? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a approuvé. Comment on appelle ça quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'approuve quelque chose ? Sunna quoi ? Taqririya. Hein ? Taqririya. D'accord ? Et il dit, cher, donc ça suffit pour affirmer la légitimité religieuse de cela. Car celui qui est présent, qui est témoin, voit ce que l'absent ne voit pas. Et puis ensuite, le cher, il cite une expression pour dire que les compagnons sont ceux dont, hein, dont le, celui qui suit le messager de l'Allah sallam, il ne s'écarte pas de leur voix. Si on suit le prophète sallam, on doit suivre la voix des sahaba. D'accord ? Troisième faïda. Faïda thalitha. في الحديث الأول سكو الحديث ده أنس رجل عنه أرضاه ظاهرة للنبي صلى الله عليه وسلم معجزة ظاهرة للنبي صلى الله عليه وسلم يا ميغاكل الدم وهي رؤيته عليه الصلاة والسلام من ورائه ولكن ينبغي أن يعلم أنها خاصة في حالة كونه عليه الصلاة والسلام في الصلاة إذ لم يرد في شيء من السنة أنه كان يرى كذلك خارج الصلاة أيضا والله أعلم. Troisième faïda qui est aussi très importante, il dit il y a dans le premier hadith, le hadith d'Anas. Pourquoi c'est quoi le hadith d'Anas? Aqimu sufufakum, hein? Wa tarasu fa inni arakum min wara'i dhahri. Hein? Car je vous vois de derrière mon dos. Il y a dans le premier hadith un miracle apparent du prophète, alayhi salatu wassalam. Et c'est le fait qu'il voyait ce qui était dans son dos. Mais il faut savoir que cela est spécifique lorsqu'il était en état de prière. Car rien n'a été rapporté dans la sunna qu'il voyait de cette manière en dehors de la salah. D'accord ? Wallahu a'lam, comme dit le shir. Fa'idatul rabi'a, al-fa'idatul rabi'a, quatrième bénéfice tiré de ces deux hadiths. Fil hadithayni délilun wadihun ala amrin la ya'lamuhu kathiru minan nas. Quand le shir dit ce genre de phrase, ça devrait attirer notre attention directement. Il dit, il y a quoi ? Il y a un délil clair sur une chose qui est méconnu par beaucoup de gens. وإن كان صار معروفا في علم النفس وهو أن الفساد الظاهر يؤثر في فساد الباطن والعكس بالعكس وفي هذا المعنى أحاديث كثيرة لعلنا نتعرض لجمعها وتخرجها في مناسبة أخرى إن شاء الله تعالى. Quatrième faïda tirée de ces deux hadiths par Cheikh Al-Albani رحمه الله. Il y a dans ces deux hadiths une preuve sur une chose que beaucoup de gens ne savent pas, même si cela est devenu connu en psychologie, ilm al-nafs. Et c'est que le pervertissement, d'accord, de l'extérieur influence sur l'intérieur. Et comment on voit ça ici ? Quoi ? Aqimu salat, sufufakum wa tarasu. C'est plutôt la deuxième riwaya qu'on avait rapportée. Aqimu sufufakum talathan, et puis quoi ? Hein ? Dans la deuxième, non. Exactement. Hein? La wallahi la tusawwunna sufufakum aw la yukhlifanna Allahu bayna qulubikum. Hein? il y a des tasbihs de soufouf, c'est un amr zahir. Et tandis que la menace, c'est quoi? C'est que sur le batin, les cœurs. C'est pour ça que Cheikh dit qu'il y a dans ces deux hadiths, hein, quoi? Cette règle-là sur le fait que l'extérieur, il a influence sur l'intérieur. D'accord? Cinquième faïda, le faïda tul khamisa. Cheikh, je continue peut-être à traduire ce qu'il disait ici. Il dit, et vice-versa, le batin sur le zahir aussi. Il y a beaucoup de hadiths à ce sujet. Il dit, le Cheikh, peut-être nous attacherons-nous à une autre occasion à les regrouper, inshallah. Et Cheikh, beaucoup pour les frères qui écoutent un peu les cassettes de Cheikh l'Albani, ils parlent souvent de ça, Cheikh l'Albani, rahimahullah. Et vous voyez que dans la sunna, il y a beaucoup de dalils sur le fait d'être regroupé. Hein? D'être regroupé toujours, même de manière extérieure. Hein? Cinquième faïda. C'est quoi on avait dit? C'est le faïda tout le khamisa. أن شروع الإمام في تكبيرة الإحرام عند قول المؤذن قد قامت الصلاة بدعة لمخالفتها للسنة الصحيحة كما يدل على ذلك هذان الحديثان لا سيما الأول منهما فإنهما يفيدان أن على الإمام بعد إقامة الصلاة واجبا ينبغي عليه القيام به وأمر الناس بالتسوية مذكرا لهم بها فإنه مسؤول عنهم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. Qu'est-ce que le Cheikh nous dit ici? Il nous rapporte en cinquième faïda que le fait que l'imam commence le premier takbir, takbir l'ihram, hein, il dit Allahu Akbar, lorsque le mu'adhin, il dit qad qamat as-salah, il dit c'est une bid'a, une innovation dans la religion, car c'est contraire à la sunna authentique comme cela est indiqué par les deux hadiths. Surtout le premier des deux, ils indiquent tous deux que l'imam après l'iqama doit s'acquitter, il a dit Cheikh ici, doit s'acquitter d'une obligation, et c'est le fait d'ordonner aux gens de s'aligner, hein, en le leur rappelant, car il est responsable d'eux. Hein? Alors, il y a un truc qui me vient en tête ici maintenant, c'est que peut-être certains frères, ils ne vont peut-être pas trop se sentir concernés par ça. Dire, moi, je ne suis pas imam. Hein? D'accord? Mais déjà, tu peux faire l'ansiha à un imam, déjà, c'est une chose importante, et on se retrouve des fois imam, mais ce n'est pas imam d'une mosquée. Hein? On se retrouve imam dans notre famille, on se retrouve imam, hein, entre frères, lors de diverses occasions, etc. D'accord? L'imam, la définition, c'est quelqu'un qui lit de la, qui guide la prière. Ce n'est pas nécessairement, hein, un poste dans une mosquée. D'accord? Ça, c'est important de comprendre ça. Hein? Et Cheikh termine par cette belle nasiha qui est en fait un hadith. Il dit donc, en le rappelant, car il est responsable d'eux, chacun d'entre vous est un berger et chacun est responsable de son troupeau. Et avec ça, on a fini cette parenthèse de Cheikh Al-Albani, ou plutôt de ma part, et que j'ai tiré de Silsilat Ahadith Sahiha volume 1 page 70-71 édition de Ma'arif de Cheikh Al-Albani rahimahullah. On revient maintenant au livre de Cheikh Bazmoul, qui est l'explication des Sifat Salah de Cheikh Al-Albani rahimahullah. On est arrivé à quoi? À Miftahouha à At-Tuhur, hein? La définition de la